Michael Brown in person. Calmly go towards the exit, ladies and gentlemen. Go towards the exit, calmly. Je crois que c'est tout, oui. Tout dans le camp. Oh, la chemise ici. Regarde là. Absolument que je range mes microphones, je peux plus marcher.